amené entre autres dans la capsule aujourd'hui, réagir un peu par rapport au fait que, bon, récemment, on t'a vu sortir de ta retraite que tu avais pris d'un certain temps parce que tu avais une chaîne YouTube, tu as fait plusieurs vidéos, puis là, tu avais arrêté, puis là, pendant la crise présente, là, tu as eu comme l'impulsion de ressortir publiquement puis de parler. Donc, il s'est passé un mouvement d'énergie important, je pense, chez toi, là, dans les derniers J'ai jours. récupéré beaucoup d'énergie, je me suis recentré, puis j'ai eu la vibration de revenir. J'avais la force de. Moi, je suis prêt à. Tant que je vais pouvoir. Parce que je ne changerai pas d'idée. Mais, moi, non, j'ai eu la vibration. C'est dur à expliquer ça au monde que moi, je ne prends pas de décision. Je ne sais pas d'une journée à l'autre ce que je vais faire. Toute façon, j'ai même plus de. J'ai de la misère, là, juste à me souvenir de ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Penses-tu que je vais faire des projets, que je vais. J'ai plus un mode de pensée normal. Non, non, je comprends, tu ne fonctionnes pas dans un mode réflexif. Fait Je que suis même plus bref, tu as été capable. mis en vibration de ressortir, puis moi. Mais en même temps, je voulais aussi te mentionner, parce que donc, tu as ressorti publiquement, tu as fait des vidéos où ce que tu as porté un regard très critique par rapport, entre autres, à nos politiciens québécois. J'étais en contact avec des gens là, sur Internet. Là. D'ailleurs, j'ai salué. Il y en a qui m'ont écrit en particulier sur Facebook. Puis, il y en a qui trouvaient que tu étais beaucoup dans une espèce de critique acerbe par rapport aux politiciens. Puis, il y en a qui me disaient qu'ils ne proposent pas de solution. Ils font juste chialer contre les politiciens. Ah, ben là, c'est parce qu'ils comprennent pas pourquoi. Parce qu'à un moment donné, ce qui devient complice, c'est de rien dire. Faut que c'est juste pour dire de quoi. Mais c'est aussi pour que ce monde-là soit énervé un peu. On n'est pas tous des caves. Fait qu'il Exactement, mais pour faut. les gens qui disent qu'il fait juste critiquer, il fait juste gueuler, mais il propose pas de solution, le mec. Qu'est-ce que tu veux proposer? C'est tout décidé d'avance, puis on gagne, de toute façon. Mais c'est juste qu'il faut assumer son rôle. Mais t'aurais C'est pas tout. une alternative en matière de gestion de J'en ai crise? parlé. Non, non. Ben là, je n'ai pas de crise encore, je l'ai Non, mais par dit. rapport à la crise sanitaire, le coronavirus, si t'étais à la place au gouvernant. Au lieu de mettre en place un passeport sanitaire, qu'est-ce que tu ferais? Gars, là, je peux pas me mettre à la place de du monde que c'est d'un bout à l'autre, c'est même pas eux autres qui décident. Qu'est-ce que tu veux que je propose comme alternative? Bien, il y a eu la Suède qui a proposé plus de liberté en matière de gestion de Gars. crise que le modèle québécois. Gars, là. T'as-tu déjà entendu parler de la marque de Dan? Non. Je vais t'en parler de génétique. Ben, OK. c'est de là que vient le mot Danemark. Non, de. Regarde, là. Il y a une guerre, puis pas à ce niveau-là. C'est plus subtil que ça. Puis ce monde-là, c'est parce qu'eux autres, ils sont dans la technique psychologique. Puis ils avouent pas la guerre subtile. La guerre d'énergie. Parce que là, c'est plus des affaires d'aller se présenter député, puis moi je propose ci, puis ça, là. C'est à un autre niveau, la vraie guerre, celle que ça fait 26 000 ans que ça dure et plus. Ça, je l'avais capté, la guerre entre autres entre C'est l'égrégore parce que là, astral eux autres, là, puis ils savent même éthérique. pas de quoi ils parlent dans le fond, puis ils comprennent même pas ce que je fais. Ils comprennent pas. Puis dans le fond, c'est tout simplement parce que je dis quelque chose, puis ils comprennent d'autres choses, je fais quelque chose, puis ils voient d'autres choses. Mais ça, c'est pas mon problème, c'est le leur. Puis c'est justement parce qu'il y a une majorité comme ça qu'on en est là. S'ils font partie du problème, qu'ils ne viennent pas me faire chier. Parce que ça ne fera pas. Parce que moi, je le vois à un autre niveau. Puis quand je parle, je dis quelque chose, j'émets des vibrations. OK? Je manifeste quelque chose. Puis peut-être comme je parlais, je dis, c'est ici où il y a l'épigénétique là-dedans. Si tu n'es pas marqué dans ton ADN par quelque chose, tu peux être marqué par. La parole de quelqu'un, c'était ça les Esséniens, puis c'était ça toutes les affaires qui avaient un petit peu de réel dedans. Parce que on est d'une vieille guerre que ça s'achève. Je vais pas commencer, moi, là, à proposer des alternatives. Ça va bon train. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire, mais je voulais quand même me faire Ça le me met porte-parole tellement en colère. de ces gens-là, parce qu'il y en a qui se sont adressés à moi, puis ils voulaient que je t'amène à parler de ça. Ben, j'ai fait allusion que j'allais faire une entrevue, en tout Si cas, eux je. autres, là, ils pensent que c'est comme si le monde qui veut régler des problèmes psychologiques par des méthodes psychologiques, puis qui veulent régler des problèmes politiques par la politique. Gars, là, tu laves pas un bain en le frottant avec de la crasse. Si eux autres, ils en veulent des alternatives, puis en proposer des alternatives, puis qu'ils pensent que c'est de même que ça va sonner, ben qu'ils le fassent. Mais qu'ils viennent pas me faire chier s'ils comprennent pas ce que je dis. s'ils comprennent pas ce que je fais. À un moment Exact. donné, là, ben, asti que c'est enrageant, ça. Puis, tu sais, c'est bien de valeur, mais moi, c'est pas à ce niveau-là que je regarde ça. C'est à un autre niveau. Il est plus subtil un peu. Puis, quand je m'exprime, c'est au-delà de ce que je dis, de la forme de ce que je dis, c'est à ce niveau-là que j'essaye d'agir. Donc, plus au niveau vibratoire, je pense que C'est ça. tu le parles au niveau de manifester l'énergie éthérique qui va tasser de l'astral. Ben, c'est aussi de dire à ce monde-là, on est encore là, il y en a encore. Mais, tu sais, pour les rendre nerveux un petit peu, parce qu'ils n'aiment pas ça, puis ils savent pas comment contre-attaquer contre ça. Bon, de toute façon, c'est pas moi qui décide. T'sais, c'est eux autres des exécutants, moi aussi, quelque part. C'est juste qu'on travaille pas pour les mêmes boss. Oui, parce On qu'il n'a y pas en le a même qui boss. exécutent les plans du plan astral, puis d'autres du plan éthérique. Et là, le conflit est en relation avec les deux factions qui, chacun, ont un agenda divergent. Ben oui, tu sais, c'est un peu comme. Parce que là, ceux qui veulent jouer à ça au niveau politique, oui, il va y en avoir des émeutes, il va y en avoir des guerres civiles, puis tout. Puis c'est pas en proposant des alternatives que vous allez empêcher ça. Parce que c'est comme écrit, ça, là. C'est comme. Que nous autres, on est dans un espace-temps spécifique, mais si tu sors du temps puis de l'espace, il y a des affaires qui bougeront pas, il y a des formes qui bougeront pas, parce qu'il y a des cadres. Faut que ça soit de même. Il faut que ça soit comme ça. C'est pour ça, genre, que l'autre, il vient de le chercher, baiser du judas, puis tout, puis il s'en va. Il dit, non, non, faut que je meure. Puis après ça, tout est accompli, blablabla, blablabla, pouf, il est mort. Puis après ça, là, il y a quelque chose qui. Il y a un trou de fait. C'est pour ça qu'il disait d'enchaîner une porte. C'est ça le but. Si le but, c'est d'ouvrir une porte, je ne vais pas arriver puis changer la porte. T'sais, si le but c'est de faire qu'il y a un trou, je vais pas moi changer la porte qui bouche le trou. C'est ça les alternatives là, des politiques. Puis là, le but c'est de défoncer la porte pour que ça passe. C'est tout. C'est pas d'aller changer la porte. Puis c'est pareil pour n'importe qui c'est sincèrement puis qu'il sait puis que c'est ça. Parce que là, c'est le temps d'ouvrir plein de portes. On va tout péter. Moi, ce que je vois de l'implantation massive de technologies de contrôle présentement et la crise sanitaire, comme disait Klaus Schwab, c'est dans le fond une opportunité pour la réalisation d'un grand reset, donc une grande réinitialisation de la société, mais à un niveau technologique de contrôle. Repartir la société autrement. Les transhumanistes vont dire c'est pour le mieux, mais en même temps, j'ai l'impression que le mieux peut devenir le pire qui va rendre encore plus visible. La dictature, le contrôle que court. Ils pensent que c'est le mieux parce qu'ils n'ont rien qu'un œil. C'est tout. Je veux dire, si tu ne le vois pas que le pire est contenu dans le mieux, puis que la vérité est l'envers du faux, c'est parce que tu n'as rien qu'un œil. C'est parce qu'ils ont sacrifié de quoi pour la connaissance. C'est un peu comme l'autre là, dans la mythologie germanique qui s'arrache un œil pour aller voir l'autre bord. Ben oui, mais là, il n'y a plus de notion tu peux plus évaluer les distances. Il y a quelque chose là-dedans. Ces gens-là, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est tout simplement ça. Mais pour qu'on se débarrasse de l'enfer, il faut le voir. On est tellement aveugle qu'il va falloir le vivre. Et en souffrir pour saturer de l'enfer, donc la cyber-apocalypse, et passer à une humanité nouvelle et en venir à connaître l'apothéose. Mais aurais-tu un conseil à donner pour les gens par rapport au temps présent, où, comme je l'expliquais, on entre dans une ère de croisée des chemins, donc il y a des gens qui vont prendre le vaccin, d'autres ne le prendront pas. On est dans une période de ségrégation sociale, de division intensifiée, donc as-tu un conseil à donner aux gens pour tenir le cap par rapport à l'époque présente? Ben, à date, moi, j'ai tout un donné de conseils. Tu Non. sais, j'ai pas à dire au monde quoi faire. Moi, j'ai tout le temps dit, si vous êtes supposé savoir par vous autres même, c'est juste de peut-être, ceux qui ont des addictions, c'est le temps de s'en débarrasser. À la place de ça, non, le monde, depuis la pandémie, il y en a, ils boivent plus. Il y en a, ils fumaient pas, c'est rendu qu'ils fument. C'est ce genre de choses-là. Là. T'sais, comme je disais, il y en a, ils cherchent le Saint Graal partout. C'est nous autres le réceptacle à un moment donné. Vide ta coupe des immondices qu'il y a dedans. Ça va être déjà beaucoup. d'arrêter là, de prendre de la cochonnerie, d'arrêter de vivre comme de la cochonnerie, d'avoir une vie plus saine, d'avoir un système nerveux qui est habitué à des privations, qui est habitué à... De, tu sais, là, les manières, ça va falloir tomber dans l'auto-éducation. C'est-à-dire, tant qu'à vivre dans le conditionnement, essaye au moins que ce soit toi qui as le contrôle de ton auto-conditionnement. Dans le sens, Exactement. c'est ça, il y en a, s'ils veulent arrêter, là, lâcher l'alcool, lâcher la drogue, là, ils commenceraient tard, là. Parce que plus tard, vous ne serez plus capable tellement, vous allez... Parce qu'il À risque un d'avoir moment des. donné... Ouais. Et puis sinon, ben, je trouvais ça intéressant ce que tu mentionnais tantôt, que présentement, ça peut être une période propice de se libérer des dépendances. Parce que le contexte qui tend à créer du stress ou nous mettre à bout peut nous amener à vouloir justement consommer plus de drogue pour nous détendre, etc., ou d'alcool. Puis, c'est vraiment, ça, c'est comme vivre à crédit, au sens de l'énergie. Donc, l'essentiel, c'est de rester centrique en dépit de ce qui se passe. C'est ça. Tu sais, moi, je vois pas d'autre chose.